Moi, je vais être moins loin d'ici pour être ailleurs. Je suis là où on brise tes rêves à coups de laser. Partir pour jamais se retourner. Efface le passé, cette histoire comme elle tournait. Moi, pour viser l'imaginable, il faut que tu ressortes toute cette force que tu dégages. Partir loin, loin de nos halls, de la merde, de la crise, de la mort que l'on frôle. Loin, parce que tout est rapproché. On se met décroché, mais on se fait se reprocher. Loin, du monde de Mike qui fait cocher. Idem, tu viens d'habiter, la force est trop agitée. Loin du système, de leur neuf et leur justice. Loin de la flamme du FN sur laquelle je pisse. Loin de nos complices, loin de nos caprices. Loin de cette fille qui nous marque comme une cicatrice. Je veux partir, loin. Je veux partir, loin. Ferme les yeux et je t'emmène. Je veux partir, partir. Partir pour s'évader. Vas-y viens, je t'emmène loin comme la taffe qu'on pète. C'est le seul des moyens pour qu'on s'évade dans nos têtes. Loin, mais je l'adore trop ma banlieue. Moi je reste toujours ghetto, jamais dans ces beaux lieux. Loin, de la cause contre la monde. Je voudrais tourner la page pour redécouvrir le monde. Loin, s'évader son bagage, admirer de ma fenêtre la traversée des nuages. Loin, mais qu'est-ce que je vais devenir? Partir à la recherche enfin de mon avenir. Loin de cet air irrespirable, c'est de noir dans mes poumons comme le fond d'une spirale. Loin, jusqu'à peur pète les soins. On a rien contre la France, le système qui nous déçoit. Loin de la merde, loin de la race, loin de la crise, loin de nos cas. Je veux partir, loin. Je veux partir, loin. Ferme les yeux et je t'emmène. Je veux partir, partir. Partir pour s'évader. Loin des hypocrites, ici un peu d'hommes sincères. Comme la tombe du soleil, je suis la lune qui s'insère. Éclairer cette jeunesse qui sombre dans le noir. Pour réaliser nos rêves et éloigner du cauchemar. Loin sur un cheval pour la traversée du désert. Une simple pensée, obtenir ce qu'on désire. Loin sur une autre galaxie, je dois décrocher les étoiles pour s'éclairer dans nos filles. Loin de la vie, des gens speed, du stress. Du haut de ma colline, tu respires un air frais. On dit loin des yeux pour être plus près du cœur. Mais laissez-moi vous dire que ce proverbe est menteur. Loin de ces faux qui se prennent pour des frais. Qu'on les jette dans la fosse, peut-être c'est qui les effraie. Loin des jaloux qui me cassent pas derrière sur le trône.